Bonjour à tous, chers amis de la langue française, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et moi, c'est Christella. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de niveau avancé. Une leçon toute spéciale, surtout pour les passionnés d'astronomie. C'est ça. En fait, aujourd'hui, nous avons la tête dans les étoiles. Exactement. On va parler de ce sujet qui est au centre de l'année 2009. Vous allez découvrir pendant le podcast pourquoi, si vous ne le savez pas déjà. Mais avant de parler de tout ça, on va commencer par écouter le dialogue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Quand j'étais petit ? Je rêvais de devenir astronaute. Vraiment ? Pourquoi ? Ah, j'étais passionné d'astronomie. Je crois que ça a commencé le jour où j'ai appris qu'Armstrong avait marché sur la Lune. Je n'avais que 7 ans, mais je me souviens que je m'étais dit « Comment il a fait ?» Je croyais qu'il n'était possible de se déplacer que sur Terre. J'étais stupéfait. Et je me suis alors rendu compte que je n'avais aucune connaissance de l'univers. Je connaissais le nom des différentes planètes, bien sûr, et je savais qu'elles étaient très très loin de nous, mais c'est tout. Et donc, de ta frustration est née ta passion. C'est un peu ça. Je me suis mis à m'intéresser aux différents astres, aux différentes planètes, Mars, Vénus, Pluton, Jupiter, et me suis renseigné sur leurs conditions atmosphériques. J'étais vraiment avide de connaissances, je voulais qu'on m'explique tout. Qu'est-ce qu'une année-lumière ? Où se situe exactement le système solaire dans la Voie lactée ? Combien l'univers compte-t-il de galaxies ? Waouh! J'imagine que tu as dû lire des tas de livres sur l'astronomie. J'en ai lu des tonnes. Mes parents m'en offraient toujours à Noël ou à mon anniversaire. Et j'étais comblé. Ah, tes parents en ont eu de la chance. J'étais beaucoup plus difficile en matière de cadeaux, moi. Et maintenant, l'astronomie te passionne toujours autant? Ah, pour moi, l'astronomie, c'est loin d'être une passade. C'est la passion de toute une vie. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « S'ils n'avaient pas inventé la lunette astronomique ». Et je n'arrête pas de me dire, c'est fou à quel point chaque invention a vraiment son poids dans l'histoire de la science. Et tu es au courant que l'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO ? Oui, quand j'ai su ça, je peux te dire que j'ai été transporté. Ça va être l'occasion pour tous de s'intéresser de plus près aux planètes, aux étoiles et à leurs différentes propriétés physiques et chimiques. Ouais, ça va surtout être l'occasion pour toi de pouvoir étaler tout ton savoir. Mais dis-moi, toi qui en sais tant sur le sujet, comment se fait-il que tu ne sois pas devenu astronaute ? Eh bien, à vrai dire, je n'étais malheureusement pas très doué en maths et en physique. Et ça, ma passion n'a rien pu y faire. Alors, on a la question du jour dans le dialogue. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Tu me la poses, Christella ? Ouais, je te la pose. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit, Amaury ? Je ne sais pas si j'oserais le dire. Pourquoi ? C'est tabou ? Non, en fait, il n'y a rien de mal. Quand j'étais petit, moi, je voulais être indien. Tu voulais être indien comme les cow-boys et les indiens ? C'est ça, exactement. Pas comme les indiens, les gens qui viennent d'Inde, mais comme les indiens d'Amérique. Ah, d'accord. Ouais, c'était vraiment ma passion et c'est vraiment ce que je voulais être. Mais bon, bien sûr, après, comme tous les petits garçons, à un moment, je voulais être astronaute ou professeur. Voilà, je passais partout, mais majoritairement indien. Et toi alors ? Bah moi j'ai eu vraiment des phases. Ça changeait un peu toutes les semaines. Ah bon ? Il y avait des fois où je voulais être boulangère, ensuite mannequin, ensuite pharmacienne. En fait, dès que je voyais un métier intéressant, infirmière, prof de français, enfin un peu tout et n'importe quoi. Dès que je trouvais un nouveau métier, je me disais ah, peut-être que plus tard j'aimerais bien faire ça. Donc il y a pas vraiment eu de métier dont j'ai vraiment rêvé. En tout cas, pas comme notre personnage ici dans le dialogue, qui lui rêve un peu comme toi quand t'étais petit, d'être astronaute. Ouais. Et c'est un vrai passionné. On le sent dans la manière dont il parle dans le dialogue. Il parle du moment où sa passion a commencé. C'est le moment où il a appris que Armstrong avait marché sur la Lune. Et il dit qu'il était stupéfait. C'est-à-dire qu'il n'en croyait pas ses yeux, il n'en croyait pas ses oreilles, il n'arrivait pas à y croire, il était vraiment étonné. Ouais, quand on est stupéfait, c'est vraiment une marque de surprise énorme. Vraiment très forte. Et puis, il s'est mis à s'intéresser aux différents astres, aux différentes planètes qui constituent notre système solaire. Et il dit qu'il était vraiment avide de connaissances. C'est-à-dire qu'il avait très envie d'apprendre, d'en savoir plus sur le sujet. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en français, on dit « avide de », alors qu'en anglais, c'est « avid for ». Donc ne mélangez pas, ne dites pas avide pour des connaissances, mais avide de connaissances. Ou par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui a envie de nouvelles choses, on peut dire que c'est une personne qui est avide de découvertes. Tout à fait. Et là, notre cher personnage va en savoir plus sur tout ce qui touche à l'astronomie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une année-lumière, où se situe le système solaire dans la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est le nom de la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire. Notre système. Mm-hmm. Et aussi, cette Voie lactée est aussi communément appelée la galaxie, tout simplement. Très souvent, on va juste dire la galaxie, et dans ces cas-là, on se réfère tout simplement à la Voie lactée. Alors qu'il y a bien d'autres galaxies dans l'univers. Ok. Bon, alors toutes ses connaissances ne sont pas venues de nulle part, il a dû s'intéresser à l'astronomie et il a donc lu des tas de livres concernant le sujet. Exactement, il lit même des tonnes de livres et c'est ce que ses parents lui offraient très souvent comme cadeau. Et lui, il était comblé, donc c'est-à-dire qu'il était complètement satisfait, il était plus que satisfait, il était vraiment heureux, ça lui suffisait pleinement. Et donc c'est une grande chance pour ses parents aussi qui n'avaient pas à se casser la tête pour trouver des cadeaux de Noël ou des cadeaux d'anniversaire. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de notre fils. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir? Je sais pas, un livre sur l'astronomie? Je pense que les parents, eux aussi, ont dû s'intéresser de plus près, c'est-à-dire s'intéresser un petit peu plus à ce sujet, étant donné qu'ils ont dû faire des listes, c'est-à-dire quel sujet il connaît déjà pour qu'on lui offre pas le même livre ou un livre sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Ouais. Donc, oui. Et l'autre personnage dans le dialogue partage également cet avis. Puisqu'elle dit aussi, tes parents en ont eu de la chance. Alors, on peut souligner ici que, en français, le en n'est pas obligatoire. On pourrait dire tes parents ont eu de la chance, tout comme on peut dire tes parents en ont eu de la chance. Voilà, le sens est exactement le même. Peut-être que quand on rajoute le en comme ça, ah, tes parents en ont eu de la chance. Je pense que ça insiste un petit peu plus que tes parents ont eu de la chance. Ouais, ouais. Tout à fait. Et donc notre cher personnage, le passionné d'astronomie, il insiste et il dit l'astronomie, c'est loin d'être une passade, c'est la passion de toute une vie. Il fait même de la poésie. Alors, une passade, qu'est-ce que c'est amoureux, une passade? Donc, passade, c'est un mot qui est habituellement employé dans un contexte amoureux. Par exemple, on l'emploie souvent sous l'expression « une passade amoureuse ». C'est-à-dire une histoire d'amour qui ne dure pas très longtemps, éphémère. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, comme j'ai dit, qui est éphémère, qui est passager. Et donc, évidemment, ce n'est pas le cas dans le dialogue, puisqu'il précise ici que c'est une passion de toute une vie, donc qui dure évidemment très longtemps. Absolument, un vrai passionné. La vraie passion, elle dure toute la vie. Et donc, même si lui-même n'est pas astronaute, il est toujours passionné d'astronomie, et il dit qu'il se rend compte à quel point chaque invention a vraiment son poids dans l'histoire de la science. Alors, avoir son poids, c'est-à-dire avoir son importance, avoir de l'importance, apporter son petit plus à quelque chose. Le second personnage dans le dialogue parle de l'UNESCO et du fait que l'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO. Alors on peut remarquer ici que l'UNESCO, ce sigle, n'a pas de traduction en français, contrairement à la plupart des autres sigles de grandes organisations internationales. L'UNESCO, en fait, on a gardé le sigle en français pour United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, alors que pour la plupart des grandes organisations internationales, comme the NAFTA ou the UN, on a changé les sigles en français. The NAFTA, en français, c'est l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain. Les Nations Unies, the UN, l'Organisation des Nations Unies, et on dit très souvent l'ONU. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Oui, donc comme tu l'as dit, et comme on en reparlera un peu plus tard, 2009 a été déclarée année de l'astronomie par l'UNESCO, et donc notre cher ami était transporté par cette nouvelle. Voilà, il était vraiment transporté, il était extrêmement joyeux, over the moon. D'ailleurs, je sais jamais vraiment comment traduire en français over the moon, et je pense que ça, être transporté, c'est une bonne manière de retranscrire un petit peu l'image qui est en anglais, étant donné que quand tu es over the moon, t'es aussi quelque part transporté puisque t'es haut dans le ciel. Et c'est une très bonne explication avec la leçon d'aujourd'hui, je dirais. Ça va très bien. Ça convient parfaitement. Et donc sa copine se moque gentiment de lui, elle fait une petite boutade en disant que ça va être pour lui l'occasion, évidemment, d'étaler tout son savoir. Moi j'aime beaucoup cette expression « étaler son savoir », j'utilise toujours de manière ironique d'ailleurs, vraiment pour dire qu'une personne met en exposition en fait son savoir, vraiment comme étaler, comme on dit bon, par exemple un étalage de marchandises par exemple dans la rue, on étale, alors on les montre bien, de manière évidente, pour que tout le monde puisse bien les voir, pour que par exemple des passants puissent être attirés et aient envie d'acheter. C'est cette image que j'ai dans la tête quand je dis quelqu'un étale son savoir, c'est vraiment qu'il montre toutes ses connaissances de manière fière. Et qu'il en rajoute. Et moi, je connais plus cette expression avec le mot « étaler toute sa science ». Aussi, étaler toute sa science, étaler sa culture aussi. Étaler toute sa culture, ouais. Bon, sur cette note très positive, on va réécouter quelqu'un qui a très envie d'étaler toute sa science. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir astronaute. Vraiment? Pourquoi ? J'étais passionné d'astronomie. Je crois que ça a commencé le jour où j'ai appris qu'Armstrong avait marché sur la Lune. Je n'avais que 7 ans, mais je me souviens que je m'étais dit « Comment il a fait ?» Je croyais qu'il n'était possible de se déplacer que sur Terre. J'étais stupéfait. Et je me suis alors rendu compte que je n'avais aucune connaissance de l'univers. Je connaissais le nom des différentes planètes, bien sûr. Et je savais qu'elles étaient très très loin de nous. Mais c'est tout. Et donc, de ta frustration est née ta passion. C'est un peu ça. Je me suis mis à m'intéresser aux différents astres, aux différentes planètes, Mars, Vénus, Pluton, Jupiter, et me suis renseigné sur leurs conditions atmosphériques. J'étais vraiment avide de connaissances. Je voulais qu'on m'explique tout. Qu'est-ce qu'une année-lumière? Où se situe exactement le système solaire dans la Voie lactée? Combien l'univers compte-t-il de galaxies? Waouh! J'imagine que tu as dû lire des tas de livres sur l'astronomie. J'en ai lu des tonnes. Mes parents m'en offraient toujours à Noël ou à mon anniversaire. Et j'étais comblé. Ah, tes parents en ont eu de la chance. J'étais beaucoup plus difficile en matière de cadeaux, moi. Et maintenant, l'astronomie te passionne toujours autant? Ah, pour moi, l'astronomie, c'est loin d'être une passade. C'est la passion de toute une vie. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « S'il n'avait pas inventé la lunette astronomique ». Et je n'arrête pas de me dire « C'est fou à quel point chaque invention a vraiment son poids dans l'histoire de la science ». Et tu es au courant que l'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO? Oui. Quand j'ai su ça, je peux te dire que j'ai été transporté. Ça va être l'occasion pour tous de s'intéresser de plus près aux planètes, aux étoiles et à leurs différentes propriétés physiques et chimiques. Ouais, ça va surtout être l'occasion pour toi de pouvoir étaler tout ton savoir. Mais dis-moi, toi qui en sais tant sur le sujet, comment se fait-il que tu ne sois pas devenu astronaute? Eh bien, à vrai dire, je n'étais malheureusement pas très doué en maths et en physique. Et ça, ma passion n'a rien pu y faire. Alors Amaury, toi tu nous as dit au début que quand tu étais petit tu voulais aussi être astronaute. Qu'est-ce qui te fascinait en fait? Qu'est-ce qui t'intéressait vraiment dans l'astronomie? Oh mais d'abord c'était l'immensité du ciel, la découverte, l'inconnu. Oui, le fait de se sentir petit aussi, non? Aussi, ouais. Je crois que je suis pas le seul d'ailleurs, tout le monde a un peu ce sentiment d'être minuscule face à l'immensité de l'espace et d'avoir toutes ces planètes, ces étoiles, cet inconnu, ces corps qu'on ne connaît pas encore très bien, qui nous entourent et qui laissent la place évidemment au rêve, à l'imagination. Donc t'as beaucoup rêvé en étant petit, en regardant les planètes, en regardant les étoiles? Je voulais avoir un télescope, malheureusement j'en avais pas, mais quand j'avais la possibilité d'aller voir mon oncle qui en avait un, j'étais tout content, parce qu'il me laissait regarder par la lunette, et là je pouvais voir la lune beaucoup mieux, je voyais les taches qu'on voyait sur la lune, c'était intéressant, ouais. Ouais, c'était très intéressant. Et donc on veut dire merci à Monsieur Galilée. Un grand merci d'ailleurs. Oui, qui a perfectionné la lunette astronomique. Oui, au XVIIe siècle, et qui a dû lutter évidemment contre beaucoup de personnes qui réfutaient ses théories, et qui persistaient à croire que la Terre était le centre du système dans lequel on se trouvait, oui. Alors que lui criait haut et fort que c'est le Soleil qui se trouve au centre de notre système. Et donc on a un système héliocentrique et non pas géocentrique. Amaury, scientifique dans l'âme. En tout cas, pour ceux qui ne le savaient pas avant, vous l'avez sans doute appris en écoutant ce dialogue, 2009 est l'année mondiale de l'astronomie. Elle a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO. Donc ça va vraiment être l'occasion pour tout le monde de participer à beaucoup d'événements liés à l'astronomie, aux planètes, à notre système solaire, mais aussi aux galaxies, à tout l'univers qui nous entoure. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site qui a été spécialement créé à cette occasion. C'est www.astronomie, astronomie comme en anglais avec un Y, 2009.org. Ouais, mais attends, on va mettre le lien sur la page discussion, Christella, non? Bah oui, quand même. Ah. Donc vous n'avez pas oublié de retenir, ne soyez pas stressés, ne prenez pas vos stylos. Attends, quoi? WW quoi? J'ai pas eu le temps de noter. On va le mettre sur la page qui va être créée pour cette leçon sur frenchpod.com. N'hésitez pas à venir, laissez vos commentaires. Si vous aussi vous êtes passionné d'astronomie ou si vous ne l'êtes pas, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et si vous aussi vous êtes content que 2009 soit l'année mondiale de l'astronomie. C'est pas beau, ça? Si, tout à fait. Parlez-nous de votre expérience. Donc on se voit très bientôt. Salut! Au revoir tout le monde!